Le restaurant Midas de Saint-Félicien vous annonce que son comptoir laitier est maintenant ouvert. Et pour le mois de juin, on vous offre en spécial la coupe glacée à 3$ plus taxes seulement. Profitez-en pour venir essayer le Bubble Tea, servi en 8 saveurs décaféinées, auquel vous pouvez même ajouter des bulles de fusion. Venez profiter de ce rabais du mois de juin, la coupe glacée à 3$ plus taxes seulement au restaurant Midas, 1084 route 169 Saint-Félicien, 679-0900. Pour vos fringales de juin, pensez Restaurant Midas Saint-Félicien. C'est le Grand Prix du Canada. On en parle avec notre spécialiste Patrick Carpentier. Salut Patrick. Hey, salut, ça va bien? Ça va bien. Patrick, évidemment, c'était la séance d'essai ce matin. Est-ce que le fait qu'on a plus le droit de faire des essais privés, c'est aussi important qu'avant ou encore... parce qu'avant Montréal... le vendredi, c'était important parce qu'il n'y avait pas de décès privé comme en Europe, là, sur ce circuit-là. Est-ce que le fait qu'on a limité les décès privés, c'est encore aussi important aujourd'hui? Oui, les décès le vendredi sont toujours importants. Plus tu as de pistes, plus c'est important pour toutes les équipes. Sauf que d'un autre côté, si toi tu as du temps piste, les autres ont du temps piste aussi. Donc, ça revient un peu à la même chose. Limiter le temps de piste, évidemment, le but de tout ça, c'est toujours de limiter le voyagement, limiter les risques, limiter les coûts aussi. Mais sauf qu'écoute, aujourd'hui, les équipes font ça en simulation. Puis la simulation est assez tellement avancée dans les dernières années. C'est tu peux quasiment savoir exactement ce que la voiture va faire en piste en étant dans le simulateur. Ben, c'est exactement ça. Hein? Les jeunes pilotes aujourd'hui, écoute, sont nés de ça. Les jeunes pilotes de 18, 19, 20 ans, ils sont nés avec les jeux vidéo, Patrick. Donc, il n'y a rien de surprenant là-dedans, là, quelque part. Là. Oui, exactement. Écoute, j'en vois partout, tous les nouveaux, les jeunes en F1, IndyCar, Byron, en NASCAR, et puis ainsi de suite. Donc, sont vraiment... C'est une nouvelle génération, une nouvelle sorte de voiture, une nouvelle sorte de façon de faire. Puis ces jeunes-là là, sont hyper habitués à ça. Est-ce que Montréal, c'est un circuit de moteur, c'est un circuit, par contre, qui est dur pour les freins? Hein? Oui, ça a toujours été un circuit qui est dur pour au niveau du freinage. C'est un circuit qui est... C'est drôle, hein? Il a l'air tellement simple. En fait, circuit, c'est tout des virages en deuxième vitesse. C'est à peu près tout des chicanes ou un épingle en deuxième vitesse ou en premier rapport. Dépendamment des catégories que tu fais. Mais sauf que c'est un des circuits les plus compliqués. On a vu aujourd'hui, écoute, dans les essais libres, plusieurs voitures les frappées de mérite de protection, dont Lewis Hamilton. C'est assez rare qu'on voit Hamilton commettre une erreur. Fait qu'il y en a eu beaucoup, Verstappen aussi, qui était pris derrière une voiture, et ainsi de suite. Donc, c'est un circuit qui, normalement, nous donne vraiment des surprises dures sur les freins. Imprévisible un peu au niveau de la voiture. Avec les années, les voitures se sont adaptées. Au niveau de la mécanique, c'est pas aussi dur que ça l'a déjà été dans le passé. Mais écoute, c'est un circuit, on roule à peu près à vitesse maximale, à peu près 335. Aujourd'hui, on est allé à 330 à peu près en ligne droite. 335, oh, c'est vite. Écoute, les temps, c'est depuis 2004 qu'on n'avait pas descendu dans les chronos qu'on fait cette année puis l'an passé. Là, avec les nouveaux pneus, les moteurs qui sont pas loin de 1000 HP, c'est des voitures qui sont hyper puissantes. Tu parles, on est déjà descendu dans les 1-12 aujourd'hui, je crois, en deuxième séance d'essai. Et écoute, ça va être super intéressant au niveau des pneumatiques. Les pneus tendres durent à peu près 6 tours, à peu près 8e de différence entre les tendres et les moyens. Fait que ça va, je pense que ça va donner une course vraiment intéressante. Puis écoute, pour répondre à ta question, Ferrari ont d'excellents moteurs. Ils ont fait un upgrade il y a quelques courses. Ils en ont pas pour Montréal, mais par contre, on sait qu'en ligne droite, ils sont quand même pas si mal, eux et Mercedes. Fait que ça va être intéressant. OK. Donc, il faudra surveiller évidemment Lewis Hamilton, qui lui, Montréal, il l'adore, ça. Oui. Exactement, écoute, ça va bien. Ferrari n'a pas dit le dernier mot, mais elle a été chercher la victoire. Fait que ça va être tout en plus imprévisible un petit peu. Puis du côté de Lance Stroll, quand même pas si mal. 10e, c'est ça, bloqué son tour rapide en fin de journée aujourd'hui. Mais 10e dans la deuxième séance d'essai, c'est quand même pas si mal. OK. Patrick, on se reparle bientôt? Ben oui, on se reparle, on se donne des nouvelles. Oui, donc voilà, c'est notre collaborateur Patrick Carpentier.